En Corée, les écoles des sports juniors forment bien de jeunes sportifs. L'école des sports juniors de la ville de Wonsan de la province et du Gangwon a réaménagé son bâtiment et divers terrains d'entraînement et achevé le système d'observation, d'analyse et de contrôle en temps réel pour améliorer le niveau scientifique des entraînements. L'école de l'arrondissement de Taedong de la province du Fangé du Sud prête l'intérêt à l'instruction et à l'entraînement scientifique conformément à l'âge et à la constitution des élèves. L'école de l'arrondissement de Paechon collabore étroitement avec le secteur d'études et des sports pour améliorer les moyens et les méthodes d'entraînement et les qualités des enseignants.